pour un bureau. Y'a pas de phrase et sans feu. On ouvre nos gueules, car on a l'esprit libre. Pour acquis, faut remplir les esprits vides. On ouvre nos gueules, car on paye pas de mine. Pour alibi, sache qu'on pète avec la mine. On ouvre nos gueules, on ouvre nos gueules. On ouvre nos gueules, on ouvre nos gueules. J'aspire le son et prends une bonne dose d'inspiration. Car je suis abasourdi, le rap c'est un bab sur 10. Un blanc au mic égale le bab sur 10. La bille ne fait pas la mine. La rime, le mal, le moine, la vie. Aveugle comme au foot si t'as loupé la lunette. Va, va, va, t'en acheter. Trop de lâcheté. Car tu lis des livres, mais est-ce que tu comprends? Toi qui a pas l'esprit libre, toi qui juge sans ce que t'as vu. Toi tu putes la nuque à force de péter plus haut. Je te plains pas car j'ai pas de passé judiciaire. Pardon de savoir rédiger une disserte. Je te disserte, ta langue est morte et point. Car à la fin de mon set, je marque le point. On ouvre nos gueules, car y'a pas de fumée sans feu. Pour un bureau, y'a pas de phrases sans feu. On ouvre nos gueules, car on a l'esprit libre. Pour acquis, faut remplir les esprits vides. On ouvre nos gueules, car on paye pas de mine. Pour alibi, sache qu'on pète avec la mine. On ouvre nos gueules, on ouvre nos gueules. On ouvre nos gueules. La vie c'est rempli de différence, rempli de confidence, rempli d'ambiance. Intense, écoute ce qu'Alibi pense. Arrêtez d'être sectaire, y'a de la place pour tous sur cette terre. Sans toujours dire ta mère. Les imbéciles ne changent pas d'avis. Mais l'évolution, mec, c'est trop important dans la vie. Arrêtez de regarder que la natalité. Faut que ça vienne du cœur, qu'on t'offre l'hospitalité. Faut qu'on esprit, tu sois athée ou que tu pries. Être tolérant, mon ami c'est vrai, ça n'a pas de prix. Unité vers une même cause, une même paix. Rien que de penser ça, déjà ça inspire le respect. Mec, faut être libre, vivre, pas taper des esquives. Elle est derrière nous, les portes des esclaves. C'est Bonaïd qui balance ce message. Je viens épauler Babouane, featuring avec la rage. On ouvre nos gueules, car y'a pas de fumée sans feu. Pour un bureau, y'a pas de phrases sans feu. On ouvre nos gueules, car on a l'esprit libre. Pour acquis, faut remplir les esprits vides. On ouvre nos gueules, car on paye pas de mine. Pour alibi, sache qu'on pète avec la mine. On ouvre nos gueules, on ouvre nos gueules. On ouvre nos gueules, on ouvre nos gueules. Esprit libre, speed, à ne pas mettre en colère. J'suis né un 2 septembre, donc pile à l'heure pour la rentrée scolaire. J'ai le rap et les diplômes dans la peau. Car mine de rien, j'ai la mine de tout le crayon dans la paume. Allez dire au rap, car c'est important qu'il nous a laissé ensemble. Au lieu de nous laisser ensemble, qu'on a de l'amour à sa portée. Que c'est une mauvaise mère qui n'allait pas les plus forts de sa portée. Les sûrs, doués deviennent des sourds, muets car l'amour rend aveugle. Et la branlette rend sourd, l'isolement rend con, con. Le veuille ou non, on est déjà seul au monde. Quand on s'en rend compte, merde, ils ont voulu lui tout nous voler. Mais nous on vit la vie avec l'envie des nouveau-nés. On frappe aux portes de ceux qui ne les ouvrent pas. Les mélanges font mal, mais y'a que les morts qui ne souffrent pas. On ouvre nos gueules, car y'a pas de fumée sans feu. Pour un bureau, y'a pas de phrases sans feu. On ouvre nos gueules, car on a l'esprit libre. Pour acquis, faut remplir les esprits vides. On ouvre nos gueules, car on